première fréquence. Sortir, descendre l'escalier et atteindre la rue en bas, se dire que ça tient du miracle, rejoindre le continent inconnu du trottoir d'en face, ne pas vraiment savoir pourquoi on se retrouve là, prendre par les rues piétonnes. Prendre un vélib sur une rue pavée quasi déserte comme un Don Quichotte moderne. Errer sans but, déambuler plutôt. Déambuler est un joli mot. Les gens assis aux terrasses chauffés des bars, des cafés, des jus d'orange boutiques. On est tous dans la même équipe. Un vendeur de légumes locaux remballe son stand et un enfant fait tomber un quartier de sa clémentine. De toute façon, il est tard pour manger une clémentine. Les magasins ferment, les restaurants font se mélanger leurs odeurs au coin de la rue. Les fumeurs en gris mille à l'heure et débattent à plein poumon. La rue est vivante. Des souvenirs lourds, des fragments de nous, des plaies, mais comme un printemps de la nuit, des fleurs qui reviennent. La vie est revenue. Première fréquence. Nous sommes le mardi 13 novembre sur Fadjet 94.2, il est 20h. Au menu de cette émission, les actualités internationales, ce qui a pu vous échapper avec Joshua Thomasin. Bonjour Josh. Bonjour à tous. Nous aurons également le résumé sportif de ces deux dernières semaines avec Valentin Gattoni. Bonjour Valentin. Bonjour Arthur, bonjour à tous. On te retrouvera pour l'ouverture du score dans quelques minutes. Nous aurons une interview exclusive avec le prix Goncourt Kielorin, Nicolas Mathieu. Je crois qu'on incroyable. En est tous très fiers. On attend fiers, qu'il arrive. Ouais. On bouillonne. Oui. On bouillonne. Nous aurons un journal de la culture format XXL avec les sorties littéraires, enfin les prix littéraires. On aura les sorties cinéma, on vous conseillera les albums de la semaine et on aura un agenda à vous fournir très très très conséquent au niveau de ce qui va se passer à l'autre canal dans ces prochains temps. Parce que novembre, il se passe des choses à Nancy. On aura une anecdote de Romain qui a regardé Scooby-Doo trop longtemps. Voilà, je ne vous en dis pas plus parce que je crois que c'est assez éloquent. Ouais, fallait pas le dire avant qu'on commence. On aura une chronologie littéraire de ce qui s'est passé au Livre sur la Place. On y reviendra avec toujours autant de plaisir. On aura Virginie Despentes, on aura Daniel Picouli et Estelle Sarabulle, rien que ça. On aurait pu prendre Léa Slimani également, voilà. On est comme ça, on pioche parmi nos plus belles interviews pour vous. Je crois qu'on est généreux, on peut le dire. Oui. Les heures avant minuit qu'on double, oui, on peut le redire. Les heures avant minuit qu'on toujours. On conclura cette émission en vous disant ce qu'on attend des deux prochaines semaines à venir. Et puis on vous lira un poème de Charles Baudelaire, pourquoi pas, n'est-ce pas? C'est parti. Pourquoi pas. Josh, l'actualité internationale, c'est le Honduras, en Amérique centrale avec un périple qui fait peur à Donald Trump. Cela fait un mois aujourd'hui qu'une caravane est partie de la ville de San Pedro Sula au Honduras. Une caravane composée de migrants honduriens fuyant la violence et la pauvreté présentes dans leur pays. Ces personnes ont aujourd'hui parcouru plus de 1500 km dans un seul but, rejoindre les États-Unis pour demander l'asile. Alors qu'ils ont quitté Mexico samedi matin, toujours en direction du nord, Donald Trump a dénoncé une invasion et a menacé les migrants en plaçant des milliers de militaires à la frontière. Une découverte archéologique majeure dans la mer Noire. Au fond de la mer Noire, au large de la Bulgarie, des archéologues ont découvert ce qui serait la plus vieille épave intacte connue. Cette épave pourrait bien être un navire grec, marchand, datant d'au moins 2400 ans. Son état de conservation est tel que les archéologues ont décidé de la laisser sur place. Une femme au pouvoir en Éthiopie. Salewark Zewde, c'est le nom de la nouvelle présidente éthiopienne. Alors qu'elle était jusque-là la représentante de l'Union africaine à l'ONU, elle est devenue la première femme présidente de l'Éthiopie et la seule femme actuelle à la tête d'un pays africain. Mais son rôle reste tout de même honorifique, le pouvoir étant entre les mains du Premier ministre. Les parlementaires l'ont élue unanimement en remplacement du président démissionnaire. Une nouvelle loi sur les cirques au Portugal. Le Portugal a en effet décidé d'interdire aux cirques de proposer des spectacles avec des animaux sauvages tels des lions, tigres, éléphants, chameaux par exemple. Il y a au total une quarantaine d'espèces qui sont concernées par cette loi et elle rentrera en vigueur en 2024. Il y a 28 pays qui ont déjà fait le même choix dans le monde et on attend que de plus en plus de pays, et en particulier le nôtre, suivent cette voie. Une loi européenne cette fois, toujours pour le bien de l'écologie. Si cela vous a échappé, le Parlement européen a voté pour l'interdiction de plusieurs objets en plastique à usage unique dans l'Union européenne. Cela concerne les pailles, les cotons-tiges, les assiettes ou entre autres les gobelets en plastique. La principale raison est que ces produits représentent à eux seuls 70% des déchets polluant les océans. La loi entrera en vigueur en 2021 dans toute l'Union, mais en France, dès le 1er janvier 2020, les gobelets et les assiettes en plastique disparaîtront. Une troisième bonne nouvelle d'affilée pour notre planète, comme quoi il y en a, avec les tigres népalais. Oui, puisque la population des tigres au Népal a presque doublé en une décennie, et tout ça après être passé tout près de l'extinction. On serait passé de 121 spécimens en 2009 à 235 aujourd'hui. Ce décompte a été possible grâce à pas moins de 3200 appareils photo dissimulés dans la jungle népalaise. La clé du succès dans la préservation de l'espèce se joue dans l'implication des populations locales, selon nos experts. Le braconnage a donc nettement chuté, et l'époque où de riches Britanniques venaient pour chasser le tigre du Bengale semble résolue. Cela n'empêche pas de constater qu'en 1900, on estimait le nombre de tigres à 100 000 sur la planète, et en 2010, il n'en restait plus que 3200. Terribles accidents dans la cité phocéenne qui révèlent de graves problèmes. Samedi se déroulait la marche blanche organisée pour rendre hommage aux 8 victimes, 6 jours après l'effondrement de 2 immeubles rue d'Aubagne à Marseille. Et lors de cette marche, un morceau de balcon s'est décroché et est tombé sur 2 personnes. Même si leur état de santé n'est pas inquiétant, cela sonne comme le coup de trop pour les habitants marseillais, venus marcher également pour dénoncer la gestion de la mairie marseillaise. Même si Jean-Claude Gaudin se défend de n'avoir rien fait, il y aurait 40 000 logements indignes à Marseille qui menaceraient 100 000 habitants au total. On reste dans notre pays avec une information venue de notre Premier ministre. Édouard Philippe a en effet déclaré dans une tribune publiée sur Facebook que la hausse des actes antisémites en France en 2018 serait de 69% par rapport à l'année précédente. Un chiffre alarmant qui est venu justifier l'indignation de l'opposition politique sur la volonté du président à rendre hommage aux soldats de la guerre 14-18 qu'a été le maréchal Pétain, hommage finalement annulé. Retour en Amérique pour la fin de ce journal avec l'ouverture d'un procès de haute importance. Hier à Brooklyn s'offrait le procès du très célèbre narcotrafiquant mexicain El Chapo. Ce dernier est un des narcotrafiquants les plus connus au monde. Il a tissé sa légende au fil des années à la tête du très puissant cartel de Sinaloa. Et de par son histoire personnelle, lui qui est né paysan dans une famille très pauvre, il est devenu pour certains Mexicains une icône. Nombreux ont été inspirés par son histoire, une série sur Netflix lui a même été dédiée, et au début des années 2000, sa tête était mise à prix à 5 millions de dollars aux États-Unis. Et après de multiples arrestations et évasions rocambolesques, Joaquin Guzman dit El Chapo, 61 ans, risque aujourd'hui la prison à vie pour plus de 17 chefs d'accusation, dont 33 meurtres. Il évitera tout de même la peine de mort grâce à l'accord d'extradition passé avec le Mexique. On se retrouve après Nocturama, extrait du nouvel album de Radio Elvis, Ces garçons-là, publié vendredi dernier. C'est une guerre totale d'amour et de désir. Ce qui se joue la nuit, l'enfant, le fruit, l'empire, le pire, le pire. Ce qui nourrit la vie, ce qui Nocturama, c'est l'invasion de nuit attendue. Nocturama, et nos légions sont perdues. Et notre amour vestige n'aura plus d'autre forme que les secrets confiés aux cartes de l'Empire. Nos chutes, nos déclins, nos armées en déroute sous les joues de l'Empire n'auront plus d'importance. Mais tu ne m'as jamais. C'est l'invasion de nuit attendue. Nocturama, et nos légions sont perdues. Nocturama, c'est un joli prénom, l'aimes-tu? Thank you. ivres et vaincus, nous irons prendre le pouls de ce qui nous attend dans les yeux de l'enfant. Et la lente beauté de nous deux s'effacera sous l'empire. Et la lente beauté de nous deux s'effacera sous l'empire. Et la lente beauté de nous deux s'effacera sous l'empire. Et la lente beauté de nous deux s'effacera sous l'empire. Et la lente beauté de nous deux s'effacera. C'est l'invasion de nuit attendue, Nocturama, et nos légions sont perdues. Nocturama, c'est un joli prénom, l'aimes-tu? Nocturama, l'enfant que nous n'avons jamais eu. C'était Nocturama de Radio Elvis, et tout de suite on passe à l'ouverture du score. L'ouverture du score ! L'ouverture du score ! C'est le but ! Et ouvrir le score ! L'ouverture du score avec Valentin. Valentin, on parle football cette semaine. Oui, en ouverture en Ligue 1 cette semaine, ce vendredi, le lever de rideau était confié aux formations lilloises et strasbourgeoises. Un match ultra dominé par le LOSC, 73% de possession, 22 tirs, mais dominé n'est pas gagné. En bref, un match plaisant à voir, mais qui perpétue la tradition du score nul et vierge du vendredi soir. Résultat 0-0. Le leader, le Paris Saint-Germain, s'invitait dimanche soir sur la pelouse du Stade Louis II de Monaco. 90 minutes plus tard, les hommes de Thomas Tuchel repartaient, 3 points de plus au compteur, et laissaient les jeunes monégasques, fébriles, perdus, en manque de confiance et surtout de résultats. Paris a gagné ses 13 matchs de championnat cette saison, ce qui constitue un record. Monaco, de son côté, n'a plus gagné depuis le 11 août, et enchaîne donc avec un 16e match sans victoire, toutes compétitions confondues. Résultat 4-0 pour Paris. Et enfin, pour clore ce podium, samedi soir, Montpellier se déplaçait sur la pelouse d'Angers, en pleine confiance et lancé sur une série de 11 matchs sans défaite. Les joueurs du MHSC se sont fait surprendre sur corner par une formation d'Angers courageuse. Montpellier perd sa deuxième place au profit de Lille, mais reste sur le podium. Résultat 1-0 pour Angers. On passe au rugby avec le 15 de France. Oui, samedi, le 15 de France était confronté aux Springboks, l'équipe de l'Afrique du Sud. Après avoir dominé quasiment tout le long du match, les Français se sont finalement inclinés sur le score de 26-29. Malgré la défaite, on pourra noter une certaine progression dans le jeu. De bon augure avant la Coupe du Monde 2019 au Japon. La route du Rhum s'est achevée hier. Oui, Francis Joyon s'est adjugé la victoire hier soir au bout d'une semaine de navigation au milieu de l'Atlantique. Longtemps deuxième derrière François Gabart, le skipper d'Idexport a fini par doubler son concurrent au moment de contourner la Guadeloupe. Il s'est même payé le luxe de battre le record de Loïc Perron, gagnant cette édition en 7 jours, 14h, 21 minutes et 47 secondes. Des nouvelles du basket. La grosse info de la semaine en NBA, c'est le transfert de l'excellent Jimmy Butler, qui quitte donc sa franchise des Minnesota Timberwolves pour rejoindre les Philadelphia Sixers. Un transfert assez évident puisque l'arrière de 29 ans l'avait demandé depuis cet été, mais rendu compliqué par la volonté des dirigeants du Minnesota de le conserver. Peu d'affiches par contre cette nuit avec seulement 3 rencontres, néanmoins on pourra trouver un intérêt dans chacune d'entre elles. À 1h, les Charlotte Hornets de nos Français Tony Parker et Nicolas Batum se déplaceront sur le parquet de Cleveland, toujours orphelin de LeBron James et qui présente le pire bilan de la Ligue. À 3h, du côté de la conférence Ouest cette fois, Denver accueillera les Rockets du MVP James Harden, qui ont bien du mal à se relancer cette saison. Avantage Denver donc, qui joue à domicile et qui truste la deuxième place de sa conférence derrière Golden State. En parlant de Golden State, justement, à 4h, les Warriors recevront Atlanta. Un match aux allures de grand écart entre le champion NBA en titre et des Hawks à la peine. De quoi s'attendre à un festival offensif de la part des Warriors, privés malheureusement de Stephen Curry. On passe au tennis, Valentin. Dans 10 jours exactement, débutera la finale de la Coupe Davis 2018 au stade Pierre Mauroy à Lille, sur terre battue. Une finale qui pourrait faire songer à l'été de l'équipe de France de foot. En effet, après leur titre en Coupe de France, en Coupe Davis l'an dernier face à la Belgique, les hommes de Yannick Noah devront battre la Croatie cette année pour accrocher ce qui serait leur 11e titre dans cette compétition, le dernier dans cette formule. Alors s'il vous plaît, messieurs Gasquet, Pouille, Chardy, Tsonga, Mahut et Herbert, jouez, battez-vous, ramenez-nous ce titre et hissez l'image et le niveau du tennis français là où il devrait être. L'image de la semaine, Valentin. C'est l'hommage rendu par les supporters du club de Leicester à leur défunt président Vichai Srivaddhanaprabha. Homme d'affaires thaïlandais à succès, ce dernier est mort le 27 octobre 2018. Il avait pour habitude, après chaque match à domicile, de quitter le King Power Stadium en hélicoptère, en décollant du centre du terrain. Malheureusement, ce jour-là, suite à un problème d'ordre mécanique, l'hélicoptère s'est écrasé sur le parking du stade, emportant avec lui le président de Leicester, deux de ses collaborateurs, ainsi que le pilote et sa compagne. Après avoir été l'auteur d'une des plus belles surprises du football en remportant le championnat d'Angleterre en 2016, c'est hélas avec une nouvelle fois d'un tout autre registre que le club anglais s'est distingué cette fois-ci. Merci Valentin. On se retrouve après Action Bronson et Telemundo, extrait de son dernier album White Bronco, qui paraissait début novembre. Vous êtes sur Fadjet 94.2. Motherfuckers can't afford me. Plus I'm in the middle of this orgy. It sent me back in like 40. Shit, I live so much, no time for looking back. Only up, cause there's no roof on the truck. You can shoot a duck, I know that's cruel as fuck. And no, I wouldn't recommend it that I mention. A Porsche 911 got a second engine. Send your boy into the seventh dimension. Shit, hell is cheap, baby. Heaven's expensive, though. Yours truly, about to get this paper like Judge Judy. Told my baby come do me. All these drugs just run through me. Now I'm shredding a guitar on a mountain. Goddamn son groovy. Aw man, we lost him to the lights again. Bitch don't worry, I'll be back like lightning. Just don't blink cause you might miss me. I'm about to make history. Raise your motherfucking fist for me. And let your middle finger fly up. And grab your nutsack and scream fuck that. You hear me? Vous êtes sur Fadjet, 94.2, c'était Action Bronson, issu de son dernier album, White Bronco, sorti début novembre. On passe à l'interview de Nicolas Mathieu, prix Goncourt. Et oui, on reçoit aujourd'hui. Première fréquence. Et on accueille Nicolas Mathieu et c'est Josh qui se charge de l'interviewer. On reçoit aujourd'hui un homme de lettres, lauréat du prix Goncourt. Voici en direct pour vous, nos auditeurs, monsieur Nicolas Mathieu. Bonjour Première Fréquence, bonjour à tous. Alors Nicolas, nous tenons tout d'abord à vous féliciter pour votre roman « Leurs enfants après eux ». Merci beaucoup, mais il me semblerait qu'il y a un petit problème. Je m'appelle bien Nicolas Mathieu, mais moi je suis plombier, pas écrivain. Ah, vous n'avez donc jamais écrit dans votre vie ? Ah si. J'écris tous les matins un mot pour ma femme et mon fils, mais sur un post-it. Et vous n'avez jamais Une envie de faire un recueil de post-it? Non. C'est un peu gênant pour l'interview, du coup. Ouais. Eh bien, tant pis alors, on va donc passer à autre chose et on va écouter le son Hier de Giorgio, issu de son album 25, apparaître le 23 novembre. Ah, par contre, j'aime beaucoup Giorgio, j'aime bien sa musique, l'image qu'il dégage, je trouve que c'est vraiment un très bon artiste. Ah, bah, tant mieux. Ah, merci Nicolas, on est contents. Tout de suite, Hier de Giorgio. A tout jamais je me rappellerai quand on manquait d'argent, que je voulais rouler loin de ma ville à prendre sur la banquette arrière, le siège avant, vivre au foyer, voir tout qui s'écroule. Alors que j'étais jeune, que j'avais rien demandé, j'ai vu les emmerdes qui déboulaient. J'ai vu mes parents faire des sacrifices, la honte les envahir, les autres changer de comportement, ils n'avaient rien à dire. J'ai grandi en me disant qu'un jour je me vengerais des euros par centaines de milliers, quand dans la rue je descendrais régler mes comptes avec le monde entier. Parce que là on t'ouvre les bras, où sont les braves qui auraient pu nous aider? Moi je laisse personne entrer dans ma vie, quoi qu'il arrive en vrai. Je suis très peu récompensé, c'est rare que j'ose danser. Avec la solitude on s'entend si bien, des nuits noires et des jours gris, ambiancés par le Transilien. Je respire la nuit quand y'a plus personne dehors, quand les gens heureux respirent corps contre corps. Rien n'est jamais trop simple quand on a peur d'étouffer. Si tu savais d'où je viens, tu comprendrais où je vais. Rien n'est jamais trop simple quand on a peur d'étouffer. Si tu savais d'où je viens, tu comprendrais que je m'en vais. Je m'en vais. Personne m'a ramené le soleil quand dans ma vie il neigeait. Je m'en vais. Je m'en vais. Ouais, je me suis fait seul contre le courant, je nageais. Le temps n'efface pas tout, il est plutôt dévastateur. Fuir le bonheur avant qu'il se tire, souvent séparé par la peur. Je sais que je dors bien trop près de mes finances. Y'a des blessures qui se referment pas avec le diable. J'essaye de garder mes distances. Chez moi on cherche pas l'amour, il nous tombe dessus par accident. Je m'évadais en musique, pas un sou pour quitter le bâtiment. J'ai dû ravaler mon ego, c'était pas donné à Maxto. J'ai fini des mois grâce aux courses de la mère de Salomé. Et sur ce point, aujourd'hui tout va si bien. Mais les relations changent, j'ai disparu, j'ai joué au magicien. J'ai mes raisons et mes torts à oublier, comme les saisons et les corps qu'ont rempli mes nuits quand pour le million c'était mort. J'avais perdu tout espoir de réussir quoi que ce soit dans mon petit appart sous les toits. L'hiver malmené par le froid, l'été dérangé par le soleil, la fenêtre ouverte en espérant que je trouverais facilement le sommeil. Rien n'est jamais trop simple quand on a peur d'étouffer. Si tu savais d'où je viens, tu comprendrais où je vais. Rien n'est jamais trop simple quand on a peur d'étouffer. Si tu savais d'où je viens, tu comprendrais que je m'en vais. Je m'en vais. Personne m'a ramené le soleil quand dans ma vie il neigeait. Je m'en vais. Je m'en vais. Ouais, je me suis fait seul contre le courant, je nageais. Quand l'inattendu prend le contrôle, je me fais du mal et c'est trop con. Je me laisse submerger par mes émotions. Un quart de siècle dans la destruction, j'ai déjà pensé à sauter du pont, barrer sans nouvelles et me couper du monde. Je me rappelle encore d'un hiver où j'ai pas vu le jour. J'écrivais comme un fou, j'espérais qu'on me dirait ouais ça tu doux. Mais même mes potes comprenaient pas pourquoi j'allais plus en cours, pourquoi j'existais plus. J'étais mal et dans ma bulle. J'avais que j'y arriverais, je me l'étais promis. Au final peu de choses ont changé. Ouais j'ai toujours pris des gros risques. Malgré ça j'ai mis cet argent de côté. Personne peut comprendre, mais ça m'aide à voir mes ailes se déployer. De toute manière j'ai que cette sécurité et la musique. Plus les gens vont me connaître, plus ils verront qu'à part le rap j'ai rien faire. Suffit d'un rien pour que tout s'arrête, de l'amour comme dans le rap. Alors je serai toujours dans ma tête, mais au moins on m'entendra. Ouais. Rien n'est jamais trop simple quand on a peur d'étouffer. Si tu savais d'où je viens, tu comprendrais où je vais. Rien n'est jamais trop simple quand on a peur d'étouffer. Si tu savais d'où je viens, tu comprendrais que je m'en vais. Je m'en vais. Personne m'a ramené le soleil quand dans ma vie il neigeait. Je m'en vais, ouais je me suis fait seul contre le courant, je nageais. Je m'en vais, personne m'a ramené le soleil quand dans ma vie il neigeait. Je m'en vais, ouais je me suis fait seul contre le courant, je nageais. C'était donc Hier de Giorgio, issu de son album 25 à paraître le 23 novembre. Vous êtes sur Fadjet 94.2, c'est Première Fréquence. Première Fréquence. et c'est l'heure du journal de la culture. Le journal de la culture cette semaine s'ouvre sur l'annonce du prix Goncourt Il est Lorrain, et c'est Nicolas Mathieu qui remporte cette année la plus prestigieuse distinction littéraire française. Son roman « Leurs enfants après eux » est un tableau hyper réaliste de l'époque, acerbe et sans phare, d'une jeunesse désabusée en zone désindustrialisée. Le Renaudot pour le Sillon de Valérie Manteau, le Fémina pour le Lambeau de Philippe Lançon, et le prix de Flore pour Raphaël Rupert et son Anatomie de l'amant de ma femme, tout un programme. Le stress, la gloire, les strass, le spleen et le reste dans un documentaire sur Yves Saint-Laurent. Berger et Saint-Laurent filmés comme des figures déjà remises aux honneurs de la légende. Ce 14 novembre, dans les salles, sort un documentaire d'Olivier Méroux. Fabriqué à partir d'images d'archives, on y voit Yves Saint-Laurent vivant sa mode sans modifier sa vie, tout rongé qu'il était du génie qu'il habitait. Ses gestes auxquels répondent ceux de son compagnon Pierre Berger. Un documentaire pour la légende, ça s'appelle Célébration et ça sort mercredi. On accueille Romain Bouvier, notre chroniqueur culture, qui va nous parler d'une équipe de chercheurs américains. Romain ? Ouais, alors c'est une équipe de chercheurs américains dirigée par Robert Olympia, donc un professeur en médecine pédiatrique à la Penn State College of Medicine. En gros, c'est une étude vraiment sérieuse qui s'est penchée sur 10 films de super-héros sortis entre 2015 et 2016, parmi les Avengers, bien sûr, ou encore Suicide Squad ou Deadpool, et il en a déduit donc que les gentils seraient 27% plus violents que les méchants. Et donc voilà, c'est le chiffre du jour de ce côté-là. C'est une étude très intéressante. Focus ensuite sur le film Les Chatouilles, Romain. Les Chatouilles, premier film adapté d'un théâtre de danse et de chant. Les Chatouilles, inspiré d'une histoire vraie, celle d'une petite fille violée par le meilleur ami de ses parents, mais qui réussit à se reconstruire et il sort demain au cinéma. C'est la mise en scène du parcours d'une vie brisée par les abus sexuels subis dès lors de l'enfance. À surveiller. Un homme pressé également à l'affiche, Romain. Donc dans le même style, on va vous parler du film Un homme pressé qui aborde la thématique de l'AVC. En prenant l'angle du comique, il est vraiment acclamé par la critique et pour le coup vraiment très drôle. Tout le monde est unanime là-dessus, c'est un film sur un AVC, donc celui de Christian Streff, l'ancien PDG de Peugeot. Et à la suite d'un accident, il a perdu le sens des mots. Et on y retrouve Fabrice Luchini qui l'interprète dans ce film, qui donne vraiment un vent de fraîcheur la perception qu'on peut avoir de cette maladie. Je crois que tu l'as vu, Valentin, non ? Oui, j'ai été le voir ce week-end. Donc comme Romain l'a dit, Fabrice Luchini excelle vraiment dans l'art de passer de l'homme arrogant et insensible à celui de l'homme touchant et fragile. Très bien assisté également par Leila Bekhti. C'est vraiment un film que je vous conseille à tous, qui est une sorte de prise de conscience, mais qui est à la fois très comique. Merci Valentin. On parle cinéma encore avec l'annonce d'une adaptation de la série culte Breaking Bad. C'est ça. Ça vient d'être annoncé et c'est dans les tuyaux avec Bryan Cranston qui s'est dit partant, même si on sait toujours pas s'il sera de l'aventure. Et donc aussi avec le même réalisateur Vince Gilligan. Donc ça à surveiller aussi. On s'attend à ne pas être déçu, mais on peut jamais savoir dans ce genre de cas, donc à surveiller également. On est à l'affût. Josh, je crois que tu veux nous parler, toi, d'un jeu vidéo. Red Dead Redemption 2, qui est une véritable réussite pour le studio Rockstar Games, là, qui revient en force 5 ans après GTA V. Et Red Dead Redemption 2, on peut juste dire déjà qu'il s'est vendu à 17 millions d'exemplaires en 8 jours, soit autant que le tout premier épisode en 8 ans. Et il est acclamé par la presse, certains magazines lui donnent même des notes au-dessus de 20. Donc voilà, véritable réussite pour l'instant. Et je crois que toi, tu l'as plus que testé. C'est véritable réussite, hein, vraiment. Un peu que suivre ce que dit la presse. Et puis, on sait que même le mode en ligne n'est toujours pas sorti. Alors, on attend toujours d'en découvrir. Parfait. On passe aux sorties musicales de ces derniers temps. Alors, moi, j'ai eu un coup de cœur pour Holidays, qui publie un premier album, Hollywood Bizarre, dont nous vous ferons écouter une chanson d'ici la fin de l'émission. Cet album est l'une des grandes réussites de la rentrée. C'est un journal intime qui raconte des vacances éternelles dans cette colo qu'on appelle la vie. On se surprend dans la profondeur des thèmes, on se surprend dans la légèreté des rythmes. Ils seront en concert le 13 mars à La Cigale et en tournée entre-temps. L'album s'appelle Hollywood Bizarre, il est paru vendredi 2 novembre, et on va les intercepter d'ici là en interview, c'est promis. Vendredi dernier est paru le deuxième album de Radio Elvis dont nous avons fait écouter un extrait. Il est frais, pop ou rock, ou alors c'est de la poésie. En tout cas, c'est une réinvention. Un bouquet de fleurs qui serait toute différente, parfois épineuse ou alors très douce, tantôt colorée ou grisonnante de la vie qui fane. Cet album est l'album qui dit le rock moderne en douceur, en poésie, en longueur et à nouveau en poésie. Ils sont de passage à Nancy mardi prochain et à la maroquinerie à Paris d'ici là. Claire Laffut, quant à elle, sortait un premier EP vendredi. Elle se diversifie sans se disperser, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est très réussi. Si je mange, je viens m'en faire. À quoi tu penses dans mon absence, j'ai un parfum d'espérance au fond de moi. Au fond de moi. Elle est mannequin, elle danse, elle est directrice artistique, connue également pour ses créations de bijoux éphémères. Elle est belge et elle a seulement 21 ans. Waouh! Elle nous offre un premier EP doux qui va de la Gare du Nord à ses plus jolis songes. Ça s'appelle Mojo et c'est plus, bien plus que prometteur. Mais novembre n'est pas le mois le plus cool de l'année, alors on vous fait la liste des concerts à venir à Nancy et à l'autre canal où aller se déhancher en chanson. C'est notre conseil sortie avec Romain. Donc ouais, ça commence dès jeudi avec le groupe Minuit qui vient de donner un bel album Vertigo. Des fleurs synthétiques qui poussent dans un champ où le rock n'a des gueules que ce qui se peut pop. Vendredi, c'est le scandale, c'est le scandale poétique de Vendredi sur mer aux allures de sirène d'Ulysse mais en solitaire. Au temps de Sublime. Les textes sublimes, ce seront aussi ceux de Chaton, comme depuis un canapé rose enragé de prose. La vie est foutue, mais il y a ces deux camarades pour nous le dire. Samedi, changement de registre, c'est le rappeur Moala Squall qui investira la scène avec son flou reconnaissable entre mille, Bendelo. Mercredi 21, il faudra se frotter au pump rock de Pogo Car Crash Control. Jeudi 22, ça sera les langueurs de la voix de Gaëtan Roussel qui viendra vous ensorceler de sa poésie. Avec aussi samedi 24, Synapson qui prendra les commandes pour la soirée. Vous n'aurez qu'à vous garer. Mais on vous le redira, viendront la verve rapistico-poétique de Kerry James, très en forme. Le génie, oui, on peut que parler du génie à leur propos. J'ai nommé Agar Agar. On vous conseillera également de réserver la soirée du 5 décembre pour tomber sous le charme de The Pirouette. Et oui, on va beaucoup sortir ce mois-ci, ça fait plaisir. Première fréquence. Nous sommes sur Fadjet 94.2 et nous allons vous faire écouter, comme promis, un extrait du premier album d'Holidays qu'on vient de vous présenter. Ça s'appelle L'odeur des joints. Tu peux éteindre la lumière, tu peux danser tant que tu veux et finir en poussière. Je retiendrai tant que je peux tes mains dans l'atmosphère, l'odeur des joints tous les matins me fout en l'air. Tu veux toujours me plaire en tes leçons tant que tu peux et jamais me faire taire. Je l'écouterai tant que je peux ton hymne militaire, ta voix parfois dès le matin me fout en l'air. Ce qui te tue. C'était Holidays, extrait de leur premier album Hollywood Bizarre. Nous sommes sur Fat Jet 94.2, nous sommes première fréquence et nos articles sont disponibles sur Première Pluie. Pourquoi pas le dire ? Pourquoi pas le dire ? Pourquoi pas le dire ? Première fréquence. Alors maintenant, Romain a une histoire à nous raconter, à vous raconter. On va être très surpris encore, c'est l'univers de Romain. Ce week-end, figurez-vous qu'il a regardé Scooby-Doo trop longtemps. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais, donc l'anecdote de la semaine, elle va être assez courte aujourd'hui. Mais j'espère la dériver sous forme d'article si les autres veulent oui, bien. Oui, sous forme de t-shirt, de mugs, pourquoi pas. Ouais, on va partir là-dessus. Je suis chaud pour une tasse. Et donc voilà, alors en gros, donc ce week-end j'étais chez moi, il se trouve qu'en ce moment j'ai vraiment beaucoup de boulot avec les cours et je bosse super lentement parce que je combat le burn-out en même temps, enfin voilà, c'est un peu le bordel, je fais que ça, j'ai presque pas vu mes parents par le dimanche midi où on a mangé une choucroute. Enfin, ni ta fille d'ailleurs, ta fille, ça fait combien, 3 semaines? Non, ça fait 3 ans. Moi je suis son parrain, je la vois beaucoup plus que toi. J'ai plus le droit de la voir. Et donc dimanche, je me lève à 8h pour travailler donc. Chose extraordinaire étant donné que lorsque j'ai pas de vrai impératif comme aller en cours, j'ai vraiment du mal à me réveiller à des heures aussi précoces. Je me dis que je vais me faire un bon petit déjeuner histoire de profiter des denrées qu'il y a chez mes parents et pas à l'appart à Nancy, étant donné qu'avec Josh on n'achète pas trop de gâteaux, mais on devrait plus acheter de gâteaux, Josh. Faut faire monter les APL. Non. Et donc voilà, et en même temps je regarde les dessins animés comme à l'époque. Mais j'étais vraiment super motivé pour bosser, comme j'ai rarement été dans ma vie, sauf que problème, c'est Scooby-Doo. Et voilà. Scooby-Doo, vraiment, voilà, on se demande à quel moment. Une motivation qui surpasse l'envie de regarder Scooby-Doo. Il se trouve que je suis tombé sur un épisode de Scooby-Doo, mais du feu de Dieu. Au début, je me suis dit, bon, ok, ça a l'air intéressant, ils vont dans l'ancienne colonie de vacances de Fred, c'est vachement beau, l'intrigue est bien ficelée. Je me dis que je peux bien m'accorder encore 10 minutes de plaisir. Mais ensuite, tout s'accélère en gros, et je vois que les choses qui font trop plaisir avec un Sammy et Scooby qui sont trop cons, mais qui en même temps, il y a une dualité qui fait qu'à certains égards, ceux les plus intelligents, enfin c'était vraiment bien écrit. Il y a aussi les petits moments avec la musique joyeuse, des phrases qui est un moment de bonheur et de partage sur le lac tout près de la colo, tout ça. Donc un grand sans faute. Même visuellement, il y avait des choses vraiment trop bien, on voit les personnages dans les reflets des vitres et d'autres détails du genre. Et c'était sacrément bien fait, franchement. C'est vraiment la définition du 7ème art. Hein. Ouais, non, mais là, franchement, le tout, en plus, ça donne une histoire qui tient la route et qui peut vous faire oublier l'espace d'une heure, donc tous vos problèmes. Franchement, je crois que je vais en faire un article sur cet épisode parce que c'était une grande claque cinématographique. En vrai, c'est une de mes nouvelles références. Après, ça m'a aussi fait perdre une heure de travail alors que j'ai réalisé une prouesse en me faisant violence en me levant à 8h du matin, quand même. Mais au final, enfin, je sais pas, c'est quoi la vie si on ne passe pas à regarder des épisodes de dessins animés qui seront des futurs grands classiques du cinéma. Je pense qu'on appelle ça de la productivité quand on fait ses devoirs au lieu de regarder Scooby-Doo. Parce qu'on va faire, c'est que ce soir, je vous ferai regarder cet épisode, je vais le trouver et après on en reparlera. Alors moi, j'ai des devoirs par contre ce soir, donc. Ouais, moi aussi, mais tu verras que tu pourras bien garder une heure pour Scooby-Doo. Exactement. Normal. Est-ce qu'on a vraiment installé une ambiance masquée la plume pour parler d'un épisode de Scooby-Doo? Ah, c'est magnifique. Ah, hein. Je suis désolé, mais. On fait la promotion de ça. En même temps, je suis le seul à pouvoir comprendre ce que c'est. Je suis vraiment le seul à l'avoir vu. Mais franchement, je vous fais mettre ce soir, on verra. Première fréquence. Bon, pour vous laisser digérer cette histoire. A teacher mom. What a big mistake, my taking in an egg killed my rock and roll and dreams. The boy belongs in big tall trees, and me, well, I belong in MSG. Maybe I'll play rock and that'll pay you love. Yeah. came upon a baby chimp, decided that we'd take it in. Forgetting all our dreams, we took him and it seemed we had a little family. For 700 bucks a week I teach, and it pays for all the food chain. C'était Rock Dreams des Lemon Twigs, extrait de leur concept album Go To School, paru le 28 août dernier. Vous êtes sur Première Fréquence. Vous êtes sur Radio Phage 94.2, c'est Première Fréquence. Première Fréquence. Et cette semaine, pour ce qui est de nos interviews, on retourne au Livre sur la Place avec une chronologie littéraire de la rentrée, puisque s'est achevée la saison des prix. Nous avions rencontré Virginie Desplantes sur la place, pile poil sur la place Stan. Bienvenue à Nancy. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de revenir en tant qu'académicienne Goncourt à Nancy, annoncer cette liste de sélectionnés ? Super bizarre. Super bizarre. Ouais, super bizarre. C'est pas tellement le moment de la liste, c'est le fait d'être à l'hôtel de la Reine sur la place Stanislas. C'est la troisième année que je viens et ça me fait toujours bizarre. Oui, je vous voyais prendre des photos comme une novice. Ouais. C'était presque touchant. Bah, c'est rigolo. C'est rigolo. Quand même. C'est rigolo quand on vous lit, quand on connaît un petit peu de parcours, c'est rigolo. Ouais, disons que j'y pensais pas quand je vivais ici. C'est pas quelque chose, je m'étais pas approché en me disant un jour je reviendrai à 50 ans. Comme ça. Donc c'est drôle. C'est beau la littérature. Ça mène à tout, tout est possible. Vous avez de la chance par rapport au lecteur, ouais, non, c'est vrai, je me sens vraiment chanceux. Bah, c'est beau. Ouais. Ah, c'est chouette. La rentrée littéraire de Daniel Picouli, quant à lui, c'était le roman 90 secondes qui était sur la liste du Goncourt. Nous avions vécu sa nomination avec lui. Cette annonce m'a mis un petit coussin d'air sous les pieds que j'ai vogué pendant ce week-end agréablement. La seule chose que je peux dire. Voilà, en plus, non mais franchement, ça a pour moi une saveur encore plus grande que ce soit à Nancy. C'est comme si Nancy me portait bonheur. Il ne faut pas le dire, mais j'ai l'impression quand même que ça a l'air de fonctionner. D'abord, je vais revenir, je reviens tous les ans, et puis surtout le travail que je fais avec les élèves. Là, il y a eu on a fait une superbe battle. Et d'ailleurs, j'ai appris la nouvelle pendant qu'on faisait notre pause repas avec les élèves des collèges de la battle. C'était tout à fait étrange parce que j'étais complètement dans la battle. J'avais complètement oublié que la liste. Publié un livre. Non, pas que j'avais publié un livre, mais que la liste allait être publiée. C'est là-bas. Voilà. Donc je savais pas. Et c'est arrivé. On avait commencé à servir à manger. Il est arrivé des clics, clics, clics, clics autour de la table. Moi, j'ai pas d'alerte, j'ai rien. Je m'occupe pas de ça. J'allume pas mon téléphone. Donc voilà. Et alors, ce qui est vrai et qui est une anecdote absolument vraie, c'est que la personne qui a reçu l'annonce, c'était celle de l'Est républicain. Elle tend, tout le monde attendait, et on lui demande alors. Elle fait non. Je dis non, t'es pas dessus. Et elle me passe le téléphone et je vois les noms. Et je dis d'accord, mais je trouve, ouais, ce sont des bons livres, je les connais presque tous, c'est de bons livres. Et après, je lui rends son téléphone, alors je remonte un petit peu les mains, et au-dessous, il y avait un chapeau pour signaler l'auteur de Nancy qui avait et Daniel Piccoli. Donc moi, comme j'étais associé à Nancy, on m'avait mis ailleurs. Et donc, j'ai pendant quelques secondes, mais relativement longues, je peux vous assurer, j'ai pensé que j'étais pas sur la liste. Et tout le monde m'a dit, mais tu l'as pris de façon très zen. Parce que c'est parce vrai. Il y a eu peut-être une petite déception avant, on voit qu'on n'y est pas. Ouais. Et finalement... C'est double, alors là c'est double plaisir. Là ça a décuplé le plaisir, mais j'ai constaté que ce que j'avais dit, à savoir que si je n'étais pas, je ne prendrais pas comme un drame, voilà, je reconnaîtrais. Il y en a eu d'autres, absolument. Absolument. Et c'est, tout le monde a pu le constater, puisque je vais... Et après quand même j'ai pris le téléphone, je lui ai tendu et je lui ai dit... Tu crois que je n'y suis pas? Elle a regardé, elle était complètement... Après, elle s'est confondue en excuses pendant deux jours. Je lui ai dit, attends, écoute, c'est rien, ça fait partie... C'est une bonne blague, ça va plus être une bonne blague. Voilà, mais c'est surtout une bonne histoire. C'est-à-dire que quand un événement est associé à une anecdote, ça devient une histoire. Et c'est formidable. Voilà, donc, cette double émotion. Ah oui, j'ai eu l'effet qui se coule, comme ils disent. j'ai eu l'effet qui se coule à Nancy. Et franchement, ça m'a rendu formidablement heureux. Et comme j'étais au milieu... Des gamins, j'ai eu ma première stand d'innovation, ça a été par les élèves de collège, de la Battle Stand. Voilà, donc c'était doublement, je pense que je m'en souviendrai très longtemps, sinon toujours même. C'est une belle histoire. Ouais. Très belle histoire. La rentrée littéraire, c'était également la révélation d'Estelle Sarabulle, prix Stan du premier roman de la rentrée littéraire. Alors vous avez reçu ce prix Stanislas du meilleur premier roman de la rentrée littéraire. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes? Ça marche bien, ça fonctionne, il rencontre son public? Écoutez, c'est incroyable, je crois qu'il a une force de prescription très forte, à tel point qu'on a l'impression qu'il existe déjà depuis 15 ans ce prix, alors qu'il n'a que 3 ans. Mais la force de frappe est extrêmement importante, donc je crois que et la ville de Nancy et le salon ont vraiment parfaitement travaillé et ça fonctionne très très bien. Il y a foule devant votre stand depuis le début du salon. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est votre premier roman? Dans quel état d'esprit on est quand un premier roman fonctionne comme ça? C'est exactement à l'image de la tête que vous venez de faire. C'est-à-dire qu'on est dans... On n'y croit pas, on est dans le bonheur, c'est que des choses agréables à vivre, on est étonné. Vraiment, c'est inattendu et inespéré. Oui, super. Il va y avoir une suite, vous allez continuer d'écrire, Vous êtes motivé, ça fait plaisir quand ça marche comme ça. C'est clair que là, c'est un bon départ qui donne envie de continuer ce que j'avais l'intention de faire de toute façon. Mais là, je n'ai qu'une hâte, c'est de me remettre à écrire en fait. Votre éditeur, Liana Lévy, ça sort un livre pour la rentrée littéraire, le vôtre. Est-ce qu'il y a une pression? Alors, ils ont été extrêmement gentils. Elles ont été extrêmement gentilles parce qu'il n'y a que des femmes. Mais effectivement, je sens bien que pour elles, il y a un vrai enjeu, un vrai pari sur moi. Donc je suis d'autant plus contente et ravie d'honorer ce pari. Mais c'est vrai que pour elle, c'est un coup de dé. Et ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. C'est vraiment aléatoire, en fait. C'est la belle histoire de la rentrée littéraire, Estelle Sarabulle, avec ce roman. C'est une belle histoire, c'est une histoire qui est intéressante, qui est forte. C'est pas n'importe quel livre, c'est pas que le style. C'est une histoire que vous aviez en vous depuis longtemps. Absolument. D'ailleurs, tout le monde est étonné de la rapidité, entre guillemets, avec laquelle je l'ai écrit, parce que j'ai mis un an. Mais en fait, je crois que je l'ai porté depuis des années, cette histoire. Donc, c'est sorti avec déjà une certaine maturité. Donc, ce sera peut-être pas pareil pour le deuxième. Il va y avoir un deuxième, c'est ça qui compte. Absolument. Ouais, ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Ce roman, c'était Là où les chiens aboient par la queue, publié chez Liana Lévy. Et voilà, on attend la prochaine rentrée littéraire, celle de janvier, avec Michel Houellebecq à venir. Première fréquence. On va écouter une dernière chanson, Écoute chérie de Vendredi sur mer, qui sera en concert à l'autre canal vendredi. C'est maintenant. J'ai pas fait semblant, je te jure. J'ai jamais dit non. J'ai juste... J'ai pas fait semblant, je te jure. J'ai jamais dit non. J'ai juste laissé le temps courir. Sera, comme on vous le disait, en concert à l'autre canal vendredi, c'était Vendredi sur mer. Vous êtes sur Fadjet 94.2, c'est Première Fréquence. Première Fréquence. Et il est déjà l'heure de nous quitter. On se quitte en attendant la période des illuminations et des marchés de Noël. les albums de Giorgio et Alain Bachung le 23 novembre. Dans deux semaines, on vous en parlera, évidemment. On aura plein de choses à vous dire, des nouveaux invités, de quoi rire et manger, et de passer un bon début de soirée avec vous, parce qu'on est vraiment avec vous par la pensée. Josh, au revoir. Au revoir, faites de bons rêves, rendez-vous le 27 novembre et attendez Noël. Et les heures avant minuit, compte double. Compte double, ne l'oubliez jamais. Essayez de dormir, on vous souhaite une belle nuit. Valentin, à dans deux semaines pour de nouveaux résultats. À dans deux semaines, vivement les prochains moments sport à venir. Ça fait toujours plaisir de pouvoir parler de sa passion à la radio. Pour vous, je vais regarder le tennis, le foot, le basket, même si c'est tard. Vous, je vais vous laisser dormir parce que les heures avant minuit, ils comptent combien ? Double. Ah, ils comptent double, d'accord. Quel sportif. Romain, à dans deux semaines, toi aussi, notre chroniqueur culture, notre chroniqueur bafouille, notre chroniqueur jingle mal envoyé, je t'aime. Ouais, désolé pour la régie. Mais ouais, non, franchement, ça fait 10 ans qu'on fait ça, qu'on est là, c'est toujours un plaisir, franchement. Jour après jour. Hein. Super émission, et voilà, je crois que j'ai une prime si je dis que les heures avant minuit comptent double. Les heures avant minuit comptent double, ne l'oubliez pas. Les heures avant minuit comptent double. Ça compte que si c'est Josh qui dit que les heures avant minuit comptent double, c'est pour ça. Il faut lancer Josh. Alors Josh, les heures avant minuit comptent double. Ok, j'espère que j'aurai ma prime. Oui. Première fréquence. Pour vous aider à vous endormir, puisque les heures avant minuit comptent double, je vais vous lire un poème de Charles Baudelaire, mesdames et messieurs. Ça s'appelle « Les fenêtres » et c'est extrait du Spleen de Paris, son dernier recueil publié à titre posthume. Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Il n'est pas d'objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu'une fenêtre éclairée d'une chandelle. Ce qu'on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une vitre. Dans ce trou noir ou lumineux, vit la vie, rêve la vie, souffre la vie. Par-delà des vagues de toit, j'aperçois une femme mûre, ridée déjà, pauvre, toujours penchée sur quelque chose et qui ne sort jamais. Avec son visage, avec son vêtement, avec son geste, avec presque rien, j'ai refait l'histoire de cette femme. Ou plutôt sa légende. Et quelquefois, je me la raconte à moi-même en pleurant. Si c'eût été un pauvre vieil homme, j'aurais refait la sienne tout aussi aisément. Et je me couche, fier d'avoir vécu et souffert dans d'autres que moi-même. Peut-être me direz-vous, es-tu sûr que cette légende soit la vraie ? Qu'importe ce que peut être la réalité placée hors de moi, si elle m'a aidé à vivre, à sentir qui je suis et ce que je suis.